Dieu Jésus! Ah, mes amis, quelle aventure de folie j'ai vécue hier! J'ai participé à une séquence de slow dating. C'est le contraire du... De slow dating? Speed dating! Ah, le contraire de speed dating. Je me suis dit, Helmut, tu as essayé les speeds, ça va marcher, essaye donc ça, on ne sait jamais. Alors le principe, Christophe... C'est simple. Au lieu de rencontrer 7 nanas avec qui tu discutes 3 minutes, tu discutes avec 3 nanas pendant 7 heures à chaque fois. Je savais qu'il fallait bien se préparer psychologiquement. Hein. Les filles du slow dating sont craintives, un peu comme des petits animaux maltraités. Faut prendre son temps, ne rien brusquer. On m'avait prévenu. Pas de truc à la Helmut, hein, Helmut, m'avait dit un ami. Bon, il est vrai que lors de ma dernière conversation téléphonique, mon cousin Gunther le barbare m'avait dit « Attaque !» Pas con, mais je me suis dit, joue-la quand même fine. Du coup, j'ai pensé une petite ruse pour arriver incognito à mes fins. Les messages subliminaux. Bref, je m'installe à la table avec la première victime, enfin, première prétendante. Salut, comment tu t'appelles? Marie-Chantal. C'est très joli ça, Marie-Chantal. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et moi, ce que j'ai fait? Oh, tu sais, mes activités de bénévolat me prennent beaucoup de temps. Je m'occupe, entre autres, d'un orphelinat pour vieux, d'une pension de reconversion pour jeunes prostituées tadjiques. Bon, pas vraiment de loisirs pour m'amuser. Alors oui, j'écoute de la musique classique. Ah, toi aussi, tu écoutes du classique, c'est formidable, ça. Et blablabla, et blablabla. Je lui ai demandé par la suite de me parler d'elle. Et quand elle a commencé, c'est là que j'ai envoyé les premiers messages subliminaux pour qu'elle tombe dans mes bras, sans attendre trop longtemps. Ah oui, c'est passionnant, ça! Tu as envie de moi? Hein? Non, j'ai rien dit. Oh bah dis donc, oui, c'est incroyable cette histoire. Ton corps devient brûlant. Ah non, j'ai rien entendu là. Oui, si j'aime la campagne. Oh la campagne, mais imagine toi et moi nus. Oui, j'adore la campagne. Mon signe zodiacal, je suis vierge. Tu ne penses qu'une chose, mon corps nu illustré, qui lui à l'huile de schnapps est en train de faire du hula hoop. Au bout de 7 heures, j'étais épuisé, je n'ai même pas eu le courage de faire ma basse besogne. Je suis reparti avec les dents de la fille plantées dans mes fesses. Oui, la pauvre, elle essayait de me retenir. Je n'ai pas non plus été voir les 2 autres nanas du slow dating. En plus, c'était même pas la peine, elles avaient entendu mes petits messages subliminaux et m'attendaient en sueur et en guêpière devant chez moi. Vous me connaissez, je suis poli, je les ai fait rentrer. Inutile de vous dire que ce matin, je suis un peu fatigué. D'ailleurs, je vous laisse, je crois qu'elles sont toujours attachées au radiateur de la salle de bain. En plus, je suis attendu à Vénitieux pour aller rencontrer l'imam. Oh, maltraiter un visionnaire conjugal comme ça, c'est une honte! Vive la polygamie! Au revoir, Zen.